L'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à ASRL. Qu'est-ce que la vie ? La vie, c'est l'organisation de la matière. Au départ, il y eut les planctons, puis les plantes, puis il y eut les poissons conquis la terre avec les amphibiens, puis les amphibiens sont devenus reptiles afin d'être autonomes sur terre, puis dans les airs avec les dinosaures et les oiseaux. Enfin, les reptiles sont devenus mammifères, à sang chaud donc, afin d'aller dans le froid. L'humain est un mammifère capable d'améliorer la nature par son esprit, aboutissement connu de la vie. La vie est donc un mouvement organisé et poussé par l'énergie des atomes, énergie des atomes de plus en plus utilisée. En effet, les atomes sont des bulles d'énergie inerte, capables de s'organiser pour créer la vie par l'eau qui organise la vie terrestre. Nous ne savons aucunement pourquoi la vie s'organise dans l'univers, si ce n'est pour rejoindre Dieu comme le disait Jésus. Si on parle de la vie, on peut donc dire que l'univers constitué de ces atomes est créatif. Aucun être vivant, même les jumeaux, n'est identique à un autre. La vie, c'est l'infinie possibilité d'engendrer du nouveau, qui plus est mieux qu'avant. L'économie humaine, dans son essence, fonctionne de la même manière que la vie. L'économie humaine crée de plus en plus d'énergie pour faire de plus en plus de choses. Ainsi, avec le feu ou l'énergie de la biomasse, nous pouvions manger les aliments plus longtemps. Avec l'énergie du soleil et de l'eau, nous avons créé les premiers moulins à vent et à eau pour créer le travail automatisé. Avec le charbon, nous avons créé les premiers trains qui ont permis un développement mondial du commerce. Avec le pétrole, nous avons créé les grands travaux, les grands barrages. Tous ces travaux peuvent être aujourd'hui faits avec des centrales nucléaires électriques pour lesquelles des centrales sûres et recyclant des déchets nucléaires existent. Le nucléaire permet de verdir les déserts avec le thorium. La fusion nucléaire permettra les voyages sur Mars et dans l'espace lointain. Ainsi, l'humain sortira de son berceau à la Terre. Mais note, pourquoi la vie organise-t-elle la matière ? C'était l'économie pour les enfants avec Mathieu Giroux. Dédicace à ASRL.